La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme Baudelaire et comme Rimbaud, Verlaine est célèbre et même célébré jusque dans les classes de lycée. Mais quel est ce Verlaine qui y est enseigné? Celui des poèmes saturniens, des fêtes galantes ou de son recueil Sagesse, le poète subtil du rêve familier, ou bien le débauché, sale à faire peur, l'auteur de recueils pornographiques? Quoi qu'il en soit, nous allons tenter, nous, cette semaine, de tenir ensemble ces deux faces qui ne font, bien sûr, qu'une seule et même médaille. Nous le ferons demain en consacrant une émission à une lecture croisée des œuvres de Verlaine et de Rimbaud. Ce sera avec Henri Skepy qui nous parlera aussi de leur position politique et de leur soutien à la Commune de Paris. Mercredi avec Myriane Robic, il sera question de l'homosexualité masculine comme féminine, très présente dans les poèmes de Verlaine, notamment les recueils Mes Amis et Ombres. Et enfin jeudi, Guy Goffet viendra nous parler d'un point de vue subjectif de la vie de son Verlaine à lui, parce que, dit-il, un homme c'est bien autre chose que le petit tas de secrets qu'on a dit 100 fois. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie de Paul Verlaine, nous sommes avec Jean-Baptiste Barognan, romancier, membre de l'Académie royale de Belgique. Il a publié en avril dernier un récit autobiographique sur son enfance, Le Petit Arménien, aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. On lui doit également, ces jours-ci, un guide secret de Bruxelles, aux éditions Ouest France, et surtout, dans la collection Folio Biographie, les volumes sur Baudelaire, Rimbaud et Verlaine. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Car de vocation vers la poésie, je ne crois pas que j'en eusse la moindre à ce moment. J'étais le plus pratique des êtres de ma taille, gourmand pas trop, paresseux juste au point, assez joueur et qui dormait bien quand il n'avait pas trop gambadé ni bavardé dans la journée. Je n'ai jamais été mélancolique de ma vie. Ce n'était pas pour être taciturne d'habitude, non plus que coutumièrement expansif, in illo tempore. Bref, un parfait petit bourgeois, un équilibré s'il en fut. On change. Et oui, tout est dans le « on change » avec cet extrait des Confessions de Verlaine, lu par Michel Parent. Bonjour à vous Jean-Baptiste Barognan. Merci d'être avec nous. De Verlaine, vous dites en quatrième de couverture de votre ouvrage que c'est le plus grand poète français, du moins le plus mélodieux et le plus pur. Vous le placez donc au-dessus même des deux autres que vous chérissez particulièrement, Baudelaire et Rimbaud. Personnellement, c'est le cas, oui, c'est celui qui correspond le mieux à ce que je suis, au personnage ou à l'être humain que je suis. C'est-à-dire quelqu'un qui est très sensible, qui est émotif, qui est touché par des petites choses, qui a facilement la larme à l'œil quand il va au cinéma, qui est transporté lorsqu'il écoute un quatuor de Beethoven. Donc quelqu'un qui est un sentimental, au fond, un intellectuel sentimental, si on peut associer ces deux mots. Comme le sont les poètes maudits que vous aimez, donc. Comme le sont les poètes maudits, mais en même temps, faire une hiérarchie, c'est extrêmement compliqué, parce qu'il y a d'autres poètes que je vénère. J'aime énormément François Villon, j'aime Victor Hugo, je trouve qu'il y a des choses admirables. On a tendance un peu à le dénigrer aujourd'hui, à lui préférer le romancier ou l'essayiste, mais c'est quand même un poète qui a des choses extraordinaires. Enfin, il y en a d'autres, des petits maîtres aussi. Charles Cros, Laforgue, tout ça sont des poètes exceptionnels. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un grand maître. Paul Verlaine et de sa vie, une vie bien fatigante tout de même, une vie même qu'on pourrait qualifier de violente, Jean-Baptiste Barognan. C'est une vie violente, c'est une vie très romanesque. comparé justement à celle de Baudelaire, qu'il est très peu, il se passe presque rien dans la vie de Baudelaire. Ils ont tous les deux un rapport à la Belgique, vous-même. Ils ont tous les deux, tous les trois d'ailleurs. Rimbaud aussi. Ce sont les circonstances à la fois familiales et littéraires qui font qu'il y a ce rapport, parce que le père de Verlaine est originaire de l'Ardenne belge, de la province du Luxembourg, qui à l'époque, c'est-à-dire au début du 19e siècle, était un département français. Mais donc il était français à ce moment-là. Donc il est régulièrement venu dans sa famille après l'indépendance de la Belgique, qui date de 1830. Et la violence alors qu'on évoquait de cette vie de Verlaine, une violence qui est même incarnée dans le corps de Verlaine. Il y a un de ses biographes qui vous a précédé, qui s'appelait Alain Buzyn, et qui avait intitulé sa biographie « Verlaine, histoire d'un corps ». C'est un corps maltraité, celui de Verlaine ? Il était d'abord disgracieux. C'était pas un bel homme. Ni un bel enfant, il paraît qu'il avait une tête de mort quand il dormait. Oui, exactement. Alors, est-ce que ça a joué ? Je crois qu'il avait conscience de sa laideur. Il avait un crâne très proéminent, il était petit, voilà. Et puis très tôt, il a été dégradé physiquement par toute une série de saloperies. Il buvait l'alcool, les drogues, etc. L'ont fortement entamé. À 35 ans, il n'avait quasiment plus de dents. Donc tout ça ne favorisait pas sa personnalité. Et je pense que le corps a joué un rôle important dans son œuvre. Mais moi, je crois que chez Rimbaud, c'est un des thèmes récurrents chez Rimbaud, c'est plus le sentiment, les sensations, les émotions qui dominent chez lui et qui sont presque en contradiction avec ce que vous appelez la violence, parce que dans la vie de tous les jours, c'est un violent. C'est quelqu'un qui est colérique, qui se fâche pour un rien, qui s'emporte pour un rien et qui a des gestes violents. Il bat sa femme, il bat sa mère, il bat même le fils, il jette son enfant sur un mur. Il se bat... Il a une vie, en fond, de débauché avant et après sa rencontre avec Rimbaud. Et il se trouve avec des arsouilles, avec des voyous, et ces gens font la main. Et d'ailleurs, dans ses rapports personnels, lorsqu'il se fâche, il est prêt à prendre un couteau et à l'enfoncer, ou une fourchette, et à l'enfoncer dans le corps de son adversaire. Hein. Donc c'est vraiment une vie en enfer, hein, comme Rimbaud a parlé d'une saison en enfer. Tous les deux ont passé leur vie en enfer. C'est tous les deux ont passé leur vie en enfer, avec la grande différence entre les deux, c'est qu'il y a chez Verlaine, je pense, une dimension métaphysique beaucoup plus importante que chez Rimbaud, même si on peut la déceler dans justement une saison en enfer ou les illuminations. Mais il y a un événement quand même considérable dans la vie de Verlaine, c'est sa conversion au catholicisme. Alors on va parler de tout ça, il ne faut pas tout raconter quand même dès le début de l'émission. Il faut dire aussi qu'il y a eu pas mal de biographies sur Verlaine, mais surtout, lui-même a beaucoup raconté sa vie. Il y a beaucoup d'autobiographies de Verlaine. Il a beaucoup raconté sa vie, mais par exemple sur le thème qui va être évoqué, je crois, dans une prochaine émission, l'homosexualité, il n'en parle quasiment pas dans ses livres. Dans ses livres, vous avez. Il en parle beaucoup dans ses poèmes. Il en parle dans ses poèmes, mais dans ses confessions, il n'y a pas un mot de ça. Dans sa correspondance, presque pas non plus. Donc il y a confessions, il y a gosses. Il y a mes hôpitaux, il y a souvenirs, il y a mes prisons, il y a beaucoup d'ouvrages autobiographiques. Il y a beaucoup de textes autobiographiques. Il y a un texte sur lui-même aussi qu'il a publié pour les hommes d'aujourd'hui, où il se met en scène, mais il parle de lui à troisième personne, le pauvre Lélian, c'est lui qui a inventé ça. C'est un anagramme. C'est un anagramme à partir de son nom, Paul, et de son nom Verlaine et de son prénom. Mais dans ses œuvres autobiographiques, il parle beaucoup de lui-même, mais il parle peu de ce qu'il pense, c'est surtout des observations qu'il note, des rencontres qu'il note, mais on le découvre à peine, je trouve, dans ces livres. En fait, on découvre un autre Verlaine, c'est un personnage très multiple, et un de ces multiples, un de ces triples, pour pas dire ces doubles, un de ces triples, c'est le personnage qu'il met lui-même en scène. Il se met en scène comme presque personnage romanesque. Il n'est pas lui-même, je trouve, dans ses confessions. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait qu'à travers ses confessions, ne serait-ce que ses souvenirs d'enfance, quand il est à Metz, hein, puisque c'est sa ville natale, et ses relations avec son père quand il est petit. On le sait qu'à travers ces textes-là, mais il y a une forme de distance par rapport à lui. Vous le retrouvez davantage dans sa poésie directement. Ah oui, complètement. Ah oui, non, sa poésie est totalement autobiographique. Compagnie des auteurs sur France Culture, nous racontons la vie de Paul Verlaine avec vous, Jean-Baptiste Barognan. Paul Verlaine, né en 1844 à Metz, vous venez de le dire, au numéro 2 d'une rue Haute-Pierre, en face de l'école d'application pour les futurs officiers du génie et de l'artillerie. Il faut dire que son père, Nicolas Auguste Verlaine, était militaire et croyait en l'armée comme une école de vertu. Quelle influence de ce père sur Paul Verlaine ? Je crois que le militaire qu'il a été n'a pas beaucoup d'influence sur lui. Au contraire, son père est quelqu'un de justement très appliqué, de très ordonné. C'est le contraire du fils qu'il est. Hein. Justement, c'est une réaction. Et puis en plus, c'est une naissance de garnison. Hein. C'est curieusement d'ailleurs, pour revenir sur les deux autres grands noms que nous avons cités au début, Baudelaire et son beau-père est militaire. Rimbaud, son père est militaire aussi, donc c'est très présent. Votre père n'est pas militaire. Le mien ne l'est pas. Le mien ne l'est pas. Et le vôtre, je veux dire. Non, pas non plus. Le vôtre non plus, voilà. Je ne sais pas si notre chroniqueur l'est. Non, je pense qu'il est né là par hasard. C'est-à-dire que son père a été affecté en Lorraine. Et voilà. Et il se trouve qu'il est né là-bas. De même que Victor Hugo est né, dont le père est militaire, il est aussi par hasard né à Besançon. Donc ils auront beaucoup bougé, finalement, les Verlaine. Les Verlaine ont relativement peu bougé. Il est parti à Montpellier, il est parti à Arles, il est parti dans le Midi. Mais ça n'a pas été un long périple. Son père, à l'âge de 55 ans, si j'ai bonne mémoire, a abandonné l'armée. Voilà, il prend sa retraite. Il prend sa retraite. On le prenait très tôt à l'époque. C'est l'âge de la retraite des militaires actuels. Ça n'a pas beaucoup changé en 150 ans. Et puis après ça, il s'installe très vite à Paris, donc plus exactement au Batignolles, à la périphérie de Paris. Et Verlaine est un Parisien. Même si au départ, il ne va pas tellement aimer Paris, il va lui falloir un petit moment avant d'apprécier cette ville. Mais je veux dire, son inspiration n'est pas du tout Messine, n'est pas Lorraine. Non. Même si aujourd'hui, ils ont raison, les Messins et les Lorrains revendiquent Verlaine à corps et à cri, ce qui est né chez eux. Mais alors son père, on va dire tout à l'heure qu'il est décédé assez tôt finalement dans la vie de Verlaine. En revanche, sa mère est très présente dès le début. Il faut dire qu'elle a un grand projet qui est de faire des enfants et elle a du mal à avoir des enfants. Donc elle va investir beaucoup sur le petit Paul, quand il va naître. Elle a non seulement du mal, mais quand elle fait des fausses couches, et c'est une, c'est plus qu'une anecdote, c'est un fait tout à fait étonnant, c'est qu'elle garde les fœtus dans des bocaux et elle les range dans une armoire. Et d'ailleurs, on raconte, mais ça je ne sais pas si c'est vrai, on raconte qu'un jour, dans une colère, dans une de ses furies, Verlaine s'est emparé d'une canne et qu'il a brisé ses trois bocaux au grand dépit de sa mère, évidemment. Mais sa mère est archi présente dans son œuvre. Tout le temps et jusqu'à la fin. Alors là aussi, il y a un parallélisme à faire avec Baudelaire et avec Rimbaud. Maman Baudelaire, maman Rimbaud et maman Verlaine sont archi présents dans la vie. Ce n'est que dans le cas de Verlaine où il lui survit, mais je rappelle que Madame Baudelaire a survécu à son fils et Madame Rimbaud a survécu à son fils. Et ce sont des relations extrêmement fortes qui sont imprégnantes, totalement imprégnantes. Sa mère l'accompagne partout. Et d'ailleurs, quand il est seul, c'est sa mère qu'il va retrouver. Lorsqu'il quitte la prison, c'est sa mère qu'il va retrouver. Il loge sa mère avec lui et il s'en occupe tout le temps. Mais en même temps, il a un rapport totalement pervers puisqu'il n'arrête pas de lui réclamer des sous, de lui demander de l'argent, sa part d'héritage sur ce que son père avait laissé, etc. Il a un rapport assez odieux, mais elle, c'est un peu, elle considère que Paul est l'enfant du miracle. Donc elle est prête à tout lui pardonner, à tout laisser faire. Enfin, Il y a un autre enfant qui compte quand même dans cette famille, c'est la petite Elisa. Exactement. Oui, oui, c'est une de ses cousines dont il est tombé amoureux lorsqu'il était très jeune. En tout cas, c'est lui qui le raconte. Hein. Et cette Elisa est morte également très jeune. Elle avait une vingtaine d'années lorsqu'elle est décédée. Et ça a été, je crois, un des grands chagrins de la vie de Verlaine. C'était l'année de la mort de Baudelaire. Et c'est l'année de la mort de Baudelaire, exactement. C'était un deuxième chagrin très important. Voilà, ils sont morts quasiment à quelques semaines d'intervalle. Et Elisa a compté beaucoup. Et Elisa a non seulement compté, je dirais, sur le plan sentimental, mais également sur le plan pratique, parce que c'est elle qui a donné de l'argent lorsque Verlaine a publié ses premiers recueils à compte d'auteur aux éditions Alphonse Lemaire. Alors avant cela, il a réalisé son apprentissage dans diverses écoles. On peut dire que c'était un cancre quand même, Verlaine. Ça n'est pas en tout cas un très bon élève. Ce n'est pas Rimbaud, justement. Rimbaud était un élève extraordinairement doué, même surdoué. Non, Verlaine n'est pas un bon élève. Et son père souhaite qu'il fasse des études de droit. Alors il s'inscrit à la faculté de droit, mais il ne reste que quelques mois. Donc il ne persévère pas du tout dans ce domaine. Alors c'est un grand impertinent. Totalement. On peut prendre l'exemple d'un jour où, pendant un examen, on lui demande la définition de la pompe aspirante. Ah oui, c'est drôle ça. Et de la pompe foulante. Non, mais allez-y, non, vous avez le texte sous les yeux. La pompe aspirante, c'est celle qui aspire. Et c'est la pompe foulante, c'est celle qui foule. Voilà. Voilà. L'impertinence de Verlaine. Toujours est-il que plutôt que de travailler, il préfère lire des livres. Déjà, il lit beaucoup. Hein. Il lit beaucoup. Il se nourrit de livres. Là aussi, ça, c'est encore un point commun entre les trois. Ils sont tous de très jeunes lecteurs, très assidus et très diversifié ici, parce qu'il lit non seulement les auteurs de langue française, mais il lit aussi Charles Dickens, il lit les auteurs russes, il lit beaucoup d'auteurs étrangers. Il est fasciné par la littérature, et puis surtout, il est fasciné par la poésie. Il faut dire que, à cette époque encore, donc, c'est-à-dire dans les années, donc, 1850-60, la poésie est le genre littéraire dominant. Et pour quelques années encore. Et pour quelques années encore, hein. Donc, le romancier n'a pas le statut qu'il a aujourd'hui. Et tous les grands écrivains du 19e sont d'abord et essentiellement des poètes. Hein. Ça commence évidemment avec Victor Hugo, Lamartine, Musset, etc., Vigny. Enfin, il n'y a quasiment que des poètes. Donc il y a à peu près tout, hein. Balzac, Dumas, Théophile Gautier, oui. Marceline Desbordes-Valmore. Voilà. Aussi. Qui va d'ailleurs célébrer beaucoup plus tard dans sa vie, dans ses poètes maudits. Il va inclure une notice sur Marceline de Bolvar-Mort. Et puis alors, quelqu'un qui l'impressionnait beaucoup, mais qu'on ne connaît plus tellement aujourd'hui, Albert Glatzel. Ah oui, c'est un auteur passionnant. Je le recommande à nos auditeurs. C'est quelqu'un qui est très peu connu, qui fait un peu la transition. C'est le chaînon manquant entre Baudelaire et Verlaine. C'est un poète qui est mineur, mais je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais je le recommande véritablement. Albert Glatigny. Tout était opposé en lui. Et le fait qu'il ait pu être un poète de ruisseau, enfin quelqu'un qui, un ivrogne de ruisseau, un clochard, et en même temps sans doute ce qu'on a eu en France de plus raffiné en matière de poésie, est un signe. Enfin, le fait qu'on ait pu se moquer de lui comme on se moque d'un clochard, oui, et qu'on ait pu l'admirer comme on admire le plus grand poète du siècle. Verlaine ne sait pas où il est, Verlaine ne sait pas qui il est. Et c'est certainement de cette instabilité fondamentale que vient une grande partie de son charme. Son vers est comme ça aussi, son vers est très instable. Et c'est pour ça qu'il paraît si vivant. Si vous mettez un crayon debout sur une table, il n'a qu'une envie, c'est de tomber, de se mettre à plat et de retrouver sa stabilité naturelle. Et bien Verlaine, lui, il reste debout sur la table. Il est là comme un crayon debout sur sa pointe. Et parfois, il verse du côté du génie et parfois de l'ignominie complète. Compagnie des auteurs sur France Culture. On vient d'entendre l'écrivain et journaliste Jacques Drillon au micro de Simone Douek en 1999. Alors Jean-Baptiste Barognan, qu'est-ce que vous retenez de cette archive et de cette dualité verlainienne qui semble être ce qu'il détermine? Mais ce que je retiens, c'est que cette dualité est tout à fait étonnante parce que elle constitue une vraie dualité dans la mesure où l'un n'influence pas l'autre. Cette violence qui existe dans sa personne, dans sa vie de tous les jours, n'apparaît pas dans son œuvre. Et même au contraire, saleté dont on décrit Verlaine comme quelqu'un de très sale, par exemple, comme quelqu'un de répugnant, comme quelqu'un qu'on n'a pas envie de fréquenter. Voilà. C'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. L'effet que produit sa poésie. C'est exactement l'inverse. Alors que il y a même pas, par exemple, dans l'œuvre, toujours pour faire des comparaisons utiles, il y a dans l'œuvre de Baudelaire des textes sur la sanie, sur la saleté, sur les choses qui se fanent, etc. Il n'y a pas ça chez Verlaine. Hein. Au contraire, c'est une poésie en demi-teinte même. Hein. C'est une poésie dans laquelle le sordide, pour employer ce terme, n'apparaît guère. Et même dans ses poèmes pornographiques, le sordide n'apparaît pas. C'est très curieux. Baudelaire, que vous citez à l'instant, Jean-Baptiste Baronian, c'est la grande référence de Verlaine. C'est l'homme moderne pour lui. C'est l'homme moderne. Ce qui est certain, c'est que c'est la génération de Verlaine qui a institué en quelque sorte Baudelaire, puisque de son vivant, il est quasiment pas connu. Il est même méconnu. C'est que c'est quelqu'un qu'on ne dit pas vraiment, hein, Baudelaire. Hein. Même le procès des Fleurs du Mal n'entraîne pas un succès d'Ibéry. Donc c'est la génération des Parnassiens dont Verlaine est quand même issu qui fait que on s'intéresse à Baudelaire. Alors Baudelaire est extrêmement présent dans ses œuvres de jeunesse, je dirais. Mais très vite il s'en éloigne, hein. Les poèmes saturiens n'ont rien de baudelairien. Les poésies, les fêtes galantes, pour prendre les grands recueils du début, n'ont absolument rien de baudelairien, sinon par une certaine forme, par exemple l'utilisation du sonnet qui les relie. Mais dans la thématique proprement dite, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est plus une figure tutélaire de quelqu'un qui a sorti la poésie, je dirais, d'un certain formalisme qui intéresse Verlaine chez Baudelaire. Alors vous notez dans votre biographie que Barbey d'Aurevilly, dont on parlera bientôt dans la Compagnie des auteurs, a traité Verlaine de Baudelaire puritain, ce qui est un peu étrange parce que ça rejoint ce que nous disons. Ça rejoint ce que nous disons, c'est-à-dire que cet aspect sordide, cet aspect provocateur qu'il y a chez Baudelaire, ce côté audacieux dans le fond n'apparaît pas. Donc c'est pour ça qu'il y a cette forme de puritanisme. C'est quelqu'un qui, dans sa poésie, se retient tout constamment et ne fait passer au fond que de vraies émotions, que de vraies sensations et rarement des pensées, rarement des jugements. Oui. Les poèmes saturniens, qui sont parmi les premiers recueils, enfin parmi le premier recueil, est-ce que pour vous, il y est déjà maître tout son art, ah oui, parce qu'il est très jeune encore à ce moment-là. Ah oui, non, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce premier recueil est absolument prodigieux. Les premiers recueils, enfin c'est aussi un peu bateau évidemment de le dire qu'il y a eu deux Verlaine, c'est-à-dire le Verlaine des premiers recueils, des 4-5 premiers recueils jusqu'à Sagesse, et puis qu'il y a eu la deuxième partie de sa vie, parce qu'il a quand même publié une vingtaine de recueils, les autres on les connaît absolument pas, et on laisse prétendre que ces recueils sont inférieurs. Ils le sont en grande partie, il faut le reconnaître. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont, selon vous, inférieurs ? Ils sont plus formels, ils sont plus formatés, ils sont moins spontanés. On sent qu'il les a écrits parce qu'il est devenu à la fin de sa vie quelqu'un très connu, quelqu'un qu'on demande, qu'on sollicite. Il avait besoin aussi de publier. Il avait tout besoin de publier parce qu'il tirait le diable par la queue. Donc chaque fois qu'il publiait un poème, il y avait des sous en contrepartie. Donc il y a une forme de dessèchement, mais je n'irai pas jusqu'à prétendre qu'il y a véritablement deux Verlaine. Mais le Verlaine des poèmes saturniens est déjà génial pour moi. Puisque décidément je suis entré dans la Via Dolorosa des plus intimes aveux, et que je me plais dorénavant à cette franchise qui fait l'honnête homme, parlons du peut-être seul vice impardonnable que j'ai parmi tant et tant d'autres, la manie, la fureur de boire, là. D'abord, j'ai bu beaucoup quand j'allais chez mon oncle à Fampoux, près d'Arras. Un gros village célèbre par un terrible accident de chemin de fer. Victor Hugo a dit « le Fampoux d'une conscience ». De l'Brume et de Schelbling et du Nief. sans compter les bistoules. Mot amusant puisque patoisant, mais chose dure, même pour un estomac de 20 ans et déjà préjudiciable à une tête déjà en l'air. Or, la première fois que j'ai bu, je pouvais en effet avoir dans les 17-18 ans. Je connaissais par conséquent la femme et je vous assure que j'honorais fort cette sainte-là. Donc je n'avais plus trop de ces scrupules enfantins que je regrette, trop en vain de ne plus avoir du tout, malgré cette affreuse santé qui m'avertit et parle, je le crains, à un sourd. Et, non sans lutiner les filles de là-bas, ni sans les bousculer dans les granges et vers les meules, je me saoulais carrément sous le vain prétexte que ça faisait pisser. Extrait des Confessions de Verlaine, lui ici par Jean Negroni. Verlaine donc qui boit énormément avec son compagnon de beuverie, le poète et inventeur Charles Cros, Jean-Baptiste Barognan. L'alcool, c'est un peu son remède à une vie qu'il juge trop difficile, trop terrible. C'est un alcoolique. C'est un alcoolique. Il y a une vraie addiction. Très jeune en plus. Il y a une vraie addiction. Alors la seule période de sa vie, il faut quand même en parler, c'est juste après sa conversion. Là, il décide de ne plus boire, etc. Mais cette intempérance, ça ne dure pas très longtemps. Hein. Il revient très vite à ses démons. Alors ce qui est curieux, et justement pour rebondir sur son œuvre proprement dite, c'est que cette ivresse, cette soulographie qui est la sienne, n'apparaît pas non plus, ou à peine. Il n'y a pas l'alcool de Verlaine, par exemple. Non, c'est aussi extrêmement frappant. Mais c'est un refuge permanent. Et puis alors il y a toutes ces drogues de l'époque, enfin ces drogues qui sont des alcools, comme l'absinthe, Et puis c'est quelqu'un pour qui l'usage de l'alcool et des spiritueux est nocif sur sa santé. Elle est non seulement nocif pour son esprit, mais il attrape un tas de saloperies, un tas de maladies qui sont aggravées par cet état-là. Alors ça ne l'empêche pas tout de même de se marier, même s'il a une mauvaise réputation. Il fait la connaissance de Mathilde Mottet de Fleurville, qui connaît ses poèmes, qui les admire d'ailleurs. Elle est très jeune. Alors, je pense qu'à 16 ans, parce qu'elle n'a que 16 ans, alors que lui en a 26 au moment quand il fait sa rencontre, elle est très sensible à ça. Je crois que c'est son premier amoureux, comme on dit. Donc, en plus, elle est entraînée en quelque sorte, sans mauvais jeu de mots, par son demi-frère, qui est un ami de Verlaine. Donc, quand elle le voit, il a toutes les qualités. Elle ne voit pas sa laideur non plus. Ou alors, sa laideur disparaît au bénéfice de l'amour qu'elle lui porte. Elle est prise de pitié aussi. Elle est prise de pitié. Mais j'ai le sentiment, c'est une interprétation très personnelle, qu'elle n'a pas été une grande amoureuse. Qu'elle a été parce qu'elle était justement jeune, qu'elle a été comme ça entraînée dans ces circonstances de mariage par sa famille, par son demi-frère, par les circonstances. Mais je pense pas. Je crois que si elle l'avait été, je crois qu'à la fois sa propre vie et celle de Verlaine auraient considérablement changé. Parce que lui semble amoureux en tous les cas au départ. Il est amoureux au départ, oui. Il est amoureux parce que il est séduit par une fille de bonne famille, comme on dit, alors que lui, il sort un peu de son milieu militaire, sa famille n'est pas très connue, donc il est assez flatté aussi. Madame Merville donne des cours de piano, on dit qu'elle a été l'élève de Chopin. Oh, ça, ce sont des légendes. Je ne sais pas si Chopin a eu des élèves. Enfin voilà. Donc les circonstances sont favorables à l'éclosion de cet amour. Donc le mariage a lieu le 11 août 1870, l'année de la guerre de 70. Et là, Mathilde, qui a la fibre un peu chauvine et nationaliste, va inciter Paul Verlaine à s'engager, même si lui, il n'est pas très guerrier dans l'âme. Il n'est pas du tout. Mais elle est très républicaine, elle est très attachée aux valeurs nationales. Donc pour elle demande d'abord qu'il trouve un emploi, ce qu'il va faire, puisqu'il va travailler un petit temps à l'hôtel de ville de Paris, et puis également de prendre des positions. Alors ces positions, alors là, c'est aussi un long débat, et même pour ce qui concerne Rimbaud, hein, on dit qu'ils ont été communards, l'ont-ils vraiment été? C'est, encore une fois, je crois que c'est les circonstances. En tout cas, ils se sont exilés après, en partie. partie peut-être. En partie, mais parce que Verlaine a été assez froussard pendant la Commune. Il se réfugiait chez lui, il se planquait, comme on dit aujourd'hui. Et puis il avait peur qu'il soit sur la liste noire au moment où les Versaillais sont venus renverser les communards. Donc il est toujours resté vulgaire. Il s'est tiré véritablement. Et a-t-il été un soutien de la Commune? Je ne pense pas véritablement. Je pense qu'il n'avait pas véritablement d'idées politiques établies. En tous les cas, le moment le plus important de la vie de Verlaine, c'est sa rencontre avec Rimbaud. On va en parler dans la seconde partie de cette émission, juste après la chronique de Baptiste Liger. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Baptiste Liger, rédacteur en chef du magazine Lire. Bonjour Baptiste. Bonjour Mathieu. Merci d'être là. Votre chronique du jour, elle a été inspirée par le courrier des lecteurs. Eh ben oui, pourquoi pas après tout, en effet. Que serait la vie d'un journal sans le courrier de ses lecteurs? Ainsi, à l'apparition de chaque numéro, la rédaction de tous les magazines, comme Lire, reçoit un certain nombre de messages, généralement pour rebondir sur un article de la dernière édition en date. Et justement, pour notre dernier numéro qui est toujours en kiosque, avec en couverture un dossier consacré à comment se faire éditer, on a reçu énormément de messages et parmi ceux-ci, on a particulièrement été intrigué par une curieuse missive de 6 pages, rédigée en petits caractères, dont je vais vous lire un bref extrait assez synthétique qui montre bien le point de vue de son auteur. Je cite « Il n'y a pas que les gilets jaunes à être méprisés et mal jugés. Certains auteurs, sans agents, sans service de publicité, édités par de petits éditeurs, sont tenus à l'écart des lecteurs par le monde affairiste des livres, hors des textes des vrais bons philosophes qui paraissent dans vos pages. Le reste est surtout consacré aux livres qui ont eu les moyens de payer, vous y compris, pour être lus et surtout pour en tirer des revenus. » Bon, le courrier est un petit peu confus, part dans tous les sens, il est très long, avec de longs développements, et on pourrait gloser sur le sens de celui-ci, mais il a assurément le mérite de montrer ce que pensent, à tort ou à raison, un certain nombre de personnes. Et qui m'amène à cette question, évidemment un peu provocatrice, à quelques jours de la nouvelle édition de Livre Paris. Et si les auteurs auto-édités n'étaient autres que les gilets jaunes de l'édition? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre avec cette formule? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Baptiste? Je vais pas rentrer dans la polémique générale, puisqu'il y a déjà un problème sémantique et terminologique initial. Qu'est-ce qu'un gilet jaune? Ce n'est pas avec une chronique radio qu'on va réussir à trouver une réponse, en tout cas un tant soit peu sérieuse. Toutefois, j'allais dire de manière un peu plus raisonnable et sérieuse, il faut bien reconnaître une différence évidente lors de la parution d'un ouvrage entre un titre qui serait plutôt issu du circuit classique et un autre paru de manière alternative, qu'il s'agisse du bon vieux compte d'auteur où on doit tout payer à un éditeur au départ, ou l'auto-édition qui se développe de plus en plus et où l'auteur doit tout prendre en charge, de l'écriture à la mise en page en passant jusqu'à la diffusion. Ainsi, il y a toute cette production alternative qui existe, même s'il faut bien reconnaître qu'elle peine à apparaître dans les classements des meilleures ventes, dans la presse généraliste ou même spécialisée d'ailleurs, et surtout dans les librairies. En effet, allez dans une boutique et vous allez constater qu'il est souvent difficile de trouver la plupart des ouvrages auto-édités, en format papier en tout cas. Alors on peut en citer quelques-uns rapidement. On peut... Les Lulu.com, LibriNova, Bookelis. Ou Book Edition, enfin on en trouve beaucoup en tout cas de ces plateformes qui proposent des services pour amener à ces livres auto-édités. Après, bon, évidemment, dans les librairies, c'est autre chose. Il faut dire que celle-ci croule déjà sous les offices d'une production très large, avec des livres qui, parfois, ne restent que quelques semaines dans les rayons avant d'être renvoyés. Souvenons-nous aussi de la polémique qui avait eu lieu à l'automne dernier, avec la présence sur la première liste du Renaudot, du roman « Bande de Français » de Marco Coscaz, qui avait été refusé par de très nombreux éditeurs. Et cet auteur avait choisi de faire appel à la plateforme Amazon, ce qui évidemment a créé une polémique avec les libraires, qui se retrouvaient dans une situation paradoxale, devoir commander des livres à Amazon pour pouvoir les vendre. Bref, Mais bon, ne parlons pas des festivals littéraires, des salons qui aussi ne mettent guère en aveur les auteurs auto-édités, sauf s'il s'agit évidemment de personnalités locales. Bref, soyons objectifs, sur bien des aspects, il y a une indéniable inégalité d'image entre ces modes de publication, mais pas seulement sur l'idée reçue selon laquelle on ferait face à des œuvres refusées pour des raisons qualitatives par les éditeurs et fabriquées de manière amateur. Alors pour terminer, Baptiste, qu'en pensent les lecteurs ? Les lecteurs sont, j'allais dire, beaucoup plus indulgents. Peut-être parce qu'il y a identification et parce que de très nombreux Français écrivent de leur côté et rêvent d'être publiés, qu'importe la méthode. On s'aperçoit aussi qu'il y a tout un pan de ces livres auto-édités qui ont un véritable public et assez massif. Dans le domaine déjà de l'édition plutôt numérique et dans ces livres dits électroniques, dans les e-books, et dans quelques littératures de genre, dans le thriller, dans la fantasy, et évidemment la romance. Il y a quelques heures, j'ai regardé sur le célèbre site que j'ai cité, qui se finit par zone, quelques-uns des livres qui fonctionnent le mieux en ce moment. Je vais vous donner quelques titres. Dis-moi oui de Lily Sweet, Catch Me dans les griffes du tigre d'Alex Cameron ou Quand il me prend dans ses bras de Charlie Watt. Tout ça, ce sont des titres auto-édités du genre romance et qui font un véritable malheur. Et puis elle célèbre quand même 50 nuances degrés qui a été édité au départ de cette façon et qui est devenu un vrai succès de librairie. Même en France, on a des auteurs qui sont un petit peu dans une autre littérature qui est le feel good à la limite de la romance, comme Agnès Martin Lugan, par exemple, qui a obtenu, ou Aurélie Valogne aussi, qui est vraiment dans les têtes d'affiche absolues, qui ont été récupérées par l'industrie, voyez le lapsus, l'édition, l'industrie traditionnelle. Bref, autant dire que oui, l'auto-édition a un vrai public, à proprement parler. Pour le moment, j'allais dire, la littérature plus générale n'est que moyennement intéressée par l'idée de récupération de ces titres, mais allez savoir dans le futur. En tout cas, il faudra vraiment regarder ça de près, justement, à l'heure de Livre Paris, qui débute, je le rappelle, jeudi. Et c'est ce que vous allez faire, Baptiste. Merci beaucoup. Je rappelle donc que le numéro de Lire, intitulé « Comment se faire éditer » est toujours disponible dans les kiosques. À très bientôt. Merci. Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous entamons aujourd'hui une semaine consacrée à Verlaine à l'occasion du Printemps des Poètes. Jean-Baptiste Baronian nous parle aujourd'hui de la vie de Verlaine que l'on connaît notamment à travers des récits autobiographiques mais aussi par le biais de sa correspondance comme par exemple avec cette célèbre lettre de rupture envoyée à Rimbaud de retour de leur séjour en Angleterre. En mer, le 3 juillet 1873. Mon ami, je ne sais si tu seras encore à Londres quand ceci t'arrivera. Je tiens pourtant à te dire que tu dois, au fond, comprendre enfin qu'il me fallait absolument partir, que cette vie violente et toute de scènes sans motif que ta fantaisie ne pouvait m'aller foutre plus. Seulement, comme je t'aimais immensément, au niçois qui mal y pense, je tiens aussi à te confirmer que si d'ici à 3 jours je ne suis pas avec ma femme dans des conditions parfaites, je me brûle la gueule. Si, comme c'est trop probable, je dois faire cette dernière connerie, je la ferai du moins en brave con. Ma dernière pensée, mon ami, sera pour toi qui m'appelais du pier tantôt et que je n'ai pas voulu rejoindre parce qu'il fallait que je claquasse. Enfin, veux-tu que je t'embrasse en crevant ? Ton pauvre Paul Verlaine. Lecture par Guillaume Gallienne de cette lettre datant du 3 juillet 1873 qui signe le début de la fin, pourrait-on dire, de leur relation. Mais il faut d'abord raconter le début tout court et l'irruption de Rimbaud dans la vie de Verlaine. Jean-Baptiste Baronian, il y déboule comme un météorite. Oui, les circonstances pratiques sont concrètes, sont relativement simples. Et connues, il y a cette magnifique phrase. C'est-à-dire que venez chez Rimbaud, dame. Qui est à Charleville, qui est un étudiant, comme je disais tout à l'heure, surdoué, s'intéresse à la poésie, écrit des poèmes déjà de très très tôt, et découvre la poésie de Verlaine. Et il se produit un miracle, c'est-à-dire que ce que la relation Baudelaire-Verlaine, on va la retrouver chez Rimbaud-Verlaine. Il voit en Verlaine un poète complètement différent de tous ceux qu'il a connus. Il l'admire énormément, il l'admirera d'ailleurs Il l'admirera toute sa vie, mais là il l'admire et il se dit, mais ça c'est le poète chez qui je dois envoyer mes propres manuscrits. Et il le fait par l'intermédiaire donc de l'éditeur, Alphonse Lemaire, qui est passage à Choiseul à Paris, et il lui envoie quelques poèmes. Alors quand Verlaine découvre ces poèmes, il est tout à fait interloqué, il est estomaqué devant la précocité. Il ne sait pas d'abord que l'eau se présente comme il a 17 ans, en fait il se rajeunit d'un an ou deux, on ne voit pas très bien pourquoi, comme si l'âge donnait plus de qualité à un individu, donc il va à l'encontre du précepte de Corneille, mais là il est estomaqué, il est soufflé par le génie poétique qu'il découvre. Et il le fait lire à ses amis autour de lui, ne serait-ce que par Charles Cros, qui est un de ses grands amis, et Cros également tombe sous le charme. Et il lui envoie une lettre en disant « Mon cher ami, venez, nous vous attendons, venez à Paris, nous vous accueillons. » Et voilà. Et alors là, le charme agit, mais enfin, pas sur tout le monde. C'est-à-dire que Rimbaud... Oui, ça se passe en deux temps. Ça se passe dans un premier temps, il se rate à la gare de Strasbourg, donc l'actuelle gare de l'Est. Verlaine rentre chez lui, donc, comme on disait tout à l'heure, il est marié à ce moment-là, depuis près d'un an. Sa femme est enceinte du seul enfant que Verlaine n'aura jamais. Et il est tout étonné de voir que Rimbaud a débarqué à la rue Nicolet là, et qu'il est là. Et qu'il a discuté avec sa belle-mère et avec sa femme. Vous le décrivez comme un paysan cutéreux qui sent le renfermer, un jeune potache qui a grandi trop vite, qui a des poux. Enfin, c'est pas du tout l'image qu'on a Je crois que c'est la réalité. Et il est tout à fait séduit par ce garçon. Et c'est ce qu'on pourrait appeler le coup de foudre. C'est véritablement le coup de foudre. Et puis alors il l'entraîne voir ses amis littéraires, ses amis écrivains, ses amis poètes dans le tout Paris de l'époque. Et partout où il passe, c'est le scandale. C'est le scandale parce que Rimbaud est insultant, méprisant. Et même violent lui aussi. Violent aussi. Il a le verbe haut. Lors d'un dîner officiel avec une petite société de joyeux lurons littéraires, qui s'appelle Les Vilains Bons Hommes, il prend une canne épée et est sur le point d'enfoncer cette canne épée dans le cœur du photographe Carja. Enfin voilà, il est tout à fait violent, sans compter que leur comportement est tout à fait scandaleux pour l'époque. Nous sommes en 1871, il faut le rappeler, c'est qu'ils se promènent dans les rues de Paris main dans la main, en s'enlaçant, en se tenant par la taille, toute chose qui déconcerte en fait, qui sont choquantes. C'est un amour qui est d'abord intellectuel avant d'être physique, en tout cas c'est votre analyse. Que c'est très important de le souligner. Je crois que l'amour est d'abord intellectuel. Je crois que c'est d'abord un coup de foudre littéraire avant d'être un coup de foudre physique et humain. Il aurait pu très bien ne pas écrire cette lettre, il aurait pu très bien ne pas être sous le charme de ce poème, mais c'est ce qui se passe. C'est au départ une révélation. C'est une véritable révélation. Alors, tous deux partent justement d'abord en Belgique, puis à Londres, abandonnent femme et enfant pour ce qui est de Verlaine. Et là, ils vont vivre ensemble environ une année d'un bonheur tout de même très tumultueux, mais d'un bonheur très fort, très puissant. C'est tout à fait le cas, d'un bonheur tumultueux, mais en même temps avec des crises profondes dans le cas de Verlaine, puisque tout en étant aux côtés de Rimbaud, il n'arrête pas de penser à Mathilde, il n'arrête pas de supplier Mathilde, il veut retourner Mathilde, et c'est d'ailleurs cet ressassement de Mathilde qui va finir par énerver Rimbaud. Rimbaud, à cette époque-là, ne comprend pas le comportement, je dirais, conformiste en quelque sorte. Il le traite de bourgeois. Il le traite de petit bourgeois, il le traite de il lui a demandé, il dit à Bobonne, enfin il se moque de lui, et une des raisons de cette séparation est liée à cet agacement, parce que au fond, Verlaine, le véritable bonheur chez Verlaine aurait consisté à vivre à la fois dans une sorte de ménage à trois, en quelque sorte, à vivre à la fois avec Mathilde et avec Arthur. Alors, il y a ensuite l'épisode de la lettre qu'on a entendu au début de cette séquence, juste après la chronique. Et puis, ils vont se revoir. Et ça, c'est l'épisode encore plus fameux du coup de feu. Voilà, donc ils vont Verlaine va à un moment donné ne pouvant plus d'être ridiculisé par un beau va quitter Londres, va rentrer va d'abord aller en Belgique, il va aller dans un hôtel, là il va déclarer qu'il est mourant, qu'il est prêt à se suicider, qu'il va acheter un revolver, chaudeur qu'il fait. Il achète ce revolver jusqu'au moment, quelques jours après, il voit débarquer Rimbaud. Il cherche à se réconcilier. Alors c'est assez extravagant. Il loue une chambre d'hôtel où il loge à deux, mais dans la chambre voisine, c'est maman Verlaine qui est appelée au secours puisque le fils est complètement dépité. Il règle des factures au besoin. Et ils veulent, et puis la bagarre éclate, et finalement Rimbaud lui fait comprendre qu'il n'a plus besoin de lui, qu'il veut partir. À ce moment-là, il sort son revolver et il tire deux coups de revolver sur Rimbaud. Heureusement, je dirais sans gravité, puisqu'il y en a un qui l'atteint au poignet gauche, l'autre balle va dans le plancher. Ils vont ensemble à la clinique, à une clinique de Bruxelles, qui est l'hôpital Saint-Jean. Où il se fait soigner rapidement. Et puis de là, Rimbaud, toujours décidé à rentrer en Paris, il se dirige vers la gare du Midi, où il devrait prendre son train. Verlaine continue à supplier de rester. Rimbaud a un geste, il avait l'impression qu'il va être agressé et il va trouver un agent de police qui est dans le coin, et c'est comme ça qu'ils seront arrêtés tous les trois. Alors, la maman, Verlaine et Rimbaud. En tout cas, cet amour, Verlaine va le raconter plusieurs fois, y compris dans son poème Laeti et Arabundi, écrit plus tard alors qu'il croit que Rimbaud vient de mourir. On en écoute un extrait. Ah oui. Entre autres blâmables excès, je crois que nous bûmes de tout, depuis les plus grands vins français, jusqu'à ce pharo, jusqu'au stout, en passant par les eaux de vie qu'on cite comme redoutables, l'âme au septième ciel ravie, le corps plus humble sous les tables. Des paysages, des cités, posaient pour nos yeux jamais là, nos belles curiosités eussent mangé tous les atlas. Fleuves et monts, bronzes et marbres, les couchants d'or, l'aube magique, l'Angleterre mère des arbres, fille des beffrois, la Belgique. La mer terrible et douce au point brochait sur le roman très cher qui ne discontinuait point notre âme et quid de notre chair. Le roman de vivre à deux hommes, mieux que non pas d'époux modèles, chacun au tas versant des sommes de sentiments forts et fidèles. L'envie aux yeux de Basilic censurait ce mode d'écho, nous dignions du blâme public et soupions du même fricot. La misère aussi faisait rage par des fois dans le phalanstère, on ripostait par le courage, la joie et les pommes de terre. Scandaleux sans savoir pourquoi, peut-être que c'était trop beau, mais notre couple restait quoi? Comme deux bons porte-drapeaux. Quoi dans l'orgueil d'être plus libre que les plus libres de ce monde, sourd aux gros mots de tout calibre, inaccessible au rire immonde. Nous avions laissé sans émoi tous impédiments dans Paris, lui quelques sots bernés et moi, certaines princesses souris, une sotte qui tourne à pire. Puis soudain tomba notre gloire, tels nous des maréchaux d'empire, déchus en brigands de la Loire, mais déchus volontairement. C'était une permission pour parler militairement que notre séparation. Une lecture par Clément Hervieux Léger. Que vous inspire ce poème, Jean-Baptiste Baronin? Mais ça m'inspire le fait que c'est une authenticité totale et que c'est pas des poèmes gratuits. Ça correspond à ce que je disais tout à l'heure, c'est autobiographique. Toute l'œuvre de Verlaine est une autobiographie musicale, en quelque sorte, et poétique. Et dans l'autobiographie, il y a la narration de la prison, parce que c'est ce qui va se passer pour Verlaine juste après. Il va être, donc condamné à deux ans de prison, surtout par le fait qu'on va découvrir sur lui ces fameuses lettres, dont celles que nous avons entendues tout à l'heure, ça va sans être qu'on appelle compromettantes et qui vont le confondre. Il va d'ailleurs subir des choses atroces. On va faire un examen physique pour déterminer sur si sa personne. Ils vont découvrir ces mœurs contre nature, comme on disait à l'époque, et il va être condamné. Et c'est durant cette conversion cet emprisonnement à Mons, donc dans le sud de la Belgique, durant ces deux ans, qu'il va se convertir au catholicisme, comme je le disais tout à l'heure. Alors, il nous reste malheureusement peu de temps, mais évidemment, la vie de Verlaine, elle ne s'arrête pas avec cette rupture avec Rimbaud. Mais en tout cas, ce qu'on peut en dire déjà, c'est que c'est tout de même une espèce de lente descente aux enfers. C'est une inexorable descente. C'est-à-dire que c'est une descente aux enfers sur le plan personnel, mais c'est en même temps aussi la montée de sa gloire. C'est-à-dire que il y a une sorte de déchéance dans sa propre vie, parce qu'il va connaître, d'autres aventures, il va connaître d'autres hommes, d'autres femmes, physiquement, tout va se passer mal, des morts à répétition, mais parallèlement à ça, sa gloire littéraire ne va pas cesser de monter, jusqu'à être triomphante à la fin de sa vie. Il sera le grand poète français dans les années 1890. C'est le grand poète, il est invité partout, on lui demande des conférences et voilà. Il est toujours dans le besoin, mais dans ses conférences, on le monte partout. Il vient en Belgique, il va en Angleterre, il va aux Pays-Bas, mais c'est un très mauvais orateur. Il arrive à ses conférences complètement rond, il bredouille, il bafouille, il mélange ses papiers, on ne sait plus très bien ce qu'il raconte, mais en même temps, il est une sorte d'attraction, en quelque sorte. On vient d'ailleurs le voir quand il est au café François Ier, boulevard Saint-Germain, on regarde pas la vitre pour le voir, comme on va voir un phénomène de cirque. C'est absolument stupéfiant. Et alors il vit entouré de deux femmes, deux pieuvres, dites-vous, Philomène et Eugénie. Qui sont deux prostituées qui ont trouvé un bon parti en quelque sorte, parce qu'elles sont tous les deux pas si bon que ça, mais donc tout ce qui gagne elles sont un peu sur le retour l'une et l'autre, donc elles n'ont plus beaucoup de charme, mais enfin elles ont trouvé quelqu'un. Et alors c'est terrible, c'est qu'elles monnaient ses poèmes, on le fait écrire, c'est l'une des raisons pour lesquelles on trouve aujourd'hui plusieurs versions d'un seul et même poème. Elles volent des manuscrits aussi. Elles volent des manuscrits, et puis ces manuscrits, Génie et Philomène vont les vendre chez des marchands d'autographes, et naturellement ne donnent pas l'argent à Verlaine. Est-ce qu'il n'y aura pas juste un retour de Rimbaud pour une seule journée? Est-ce qu'ils ne vont pas, à un moment donné, chercher à se revoir? Mais il y a un épisode dont on n'a pas parlé, c'est qu'à la sortie de prison, Verlaine va retrouver Rimbaud à Stuttgart. Entre-temps, donc, Rimbaud est parti donner des cours, enfin être précepteur dans une famille allemande à Stuttgart. Verlaine l'apprend, va le retrouver à Stuttgart quelques jours, mais là il est sorti totalement de sa conversion, enfin il est dans sa conversion, et il veut absolument, également convertir au catholicisme son compagnon Rimbaud, qui l'envoie promener évidemment. Qui le frappe même, et il est laissé quasiment pas pour mort, mais pour blessé, et ils se séparent. Ils se sont vus qu'une seule fois, et n'ont plus jamais correspondu. Mais ce que je voudrais dire, ça je crois que c'est très important, c'est même capital, c'est que Verlaine a été en quelque sorte l'agent de Rimbaud. C'est lui l'inventeur de Rimbaud. Il n'y a pas de Rimbaud sans Verlaine. Il n'y a pas de Rimbaud sans Verlaine. Et ce type est resté fidèle toute sa vie. Il y a consacré des écrits, il a fait en sorte que ses poèmes soient édités, alors que personne ne connaissait ce garçon qui était parti s'exiler en Afrique. Et que le milieu littéraire n'aimait pas. On a compris pourquoi vous nous l'avez expliqué. Repoussait. Donc, je crois que toute la gloire et toute la notoriété et l'immense intérêt qu'on porte aujourd'hui à Rimbaud, c'est dû essentiellement, exclusivement, à Paul Verlaine. Alors, il pose sa candidature, Verlaine, c'est assez drôle, à l'Académie française. Oui, il est. Mais alors là aussi, que Baudelaire aussi a fait c'est pareil, ça, hein, ouais. Quelques décennies auparavant. Il y a quand même une volonté d'être reconnu chez ces poètes maudits-là. Chez Verlaine, cette volonté de reconnaissance était réelle. était réel. Il n'aspirait quasiment qu'à ça et il était désolé lorsque ses poèmes étaient refusés. Mmh. En revanche, je crois que cette volonté de reconnaissance a très vite disparu dans le chef de Rimbaud. Il a très vite compris que sa poésie était indésirable et rejetée par l'intelligentsia parisienne. Alors il va mourir le 8 janvier 1896, quelques jours après son dernier poème qui s'intitule justement « Mort ». Oui. Et il appelle un prêtre qui va lui donner la confession et il meurt en articulant un nom, François, mais personne n'a jamais su s'il s'agissait de François Villon, François Copé, Saint François d'Assise ou même le café François Ier. Merci beaucoup Jean-Baptiste Barognan. Je rappelle que vous êtes écrivain, critique et essayiste, membre de l'Académie royale de Belgique. On vous doit donc la biographie de Verlaine publiée dans la collection Folio Biographie, où vous avez également fait paraître celle de Rimbaud et de Baudelaire. La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Malonda, Laurence Genepin, Garance Mazelier, Emmanuel Morse-Duncan. Demain, nous nous interrogerons sur les influences croisées de Verlaine et de Rimbaud dans leurs œuvres respectives. Nous serons pour ce faire avec Henri Skepi qui a coédité le volume Quarto chez Gallimard qui regroupe les œuvres presque complètes de ces deux poèmes. Tout de suite, de la poésie encore avec cette fois les textes choisis par Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Nous étions avec Pétrarque la semaine dernière, nous sommes cette semaine avec Dante, son aîné, son modèle à Pétrarque au Purgatoire, avant de passer la semaine prochaine au Salon de Beauté. Cette traduction versifiée et cadencée parue chez Actes Sud est de Daniel Robert. Nous y apprenons que si l'enfer est sous nos pieds, le Purgatoire est une île aux antipodes de Jérusalem dans l'hémisphère sud, et qu'on y grimpe par cercles concentriques de gauche à droite, car c'est une montagne que le purgatoire. Je chanterai ce royaume d'eux où l'âme se purge de ses faiblesses et devient digne de monter aux cieux, mais qu'ici la poésie morte renaisse, ô sainte muse, car c'est ma vocation. Nous retrouvons nos deux compères, Dante et Virgile, et qui tombe sur un type, un vieillard solitaire digne par son aspect d'un tel respect qu'aucun enfant n'en doit plus à son père. Longue la barbe et de poils blancs mêlés qu'il portait toute pareille à ses cheveux qui, en deux flots, sur son thorax tombaient. Il dit, secouant l'honorable plumage, « Qui êtes-vous du fleuve aveugle monté, vous qui avez fui l'éternel esclavage ?» Et oui, ils sortent de l'enfer. Qui vous a guidé ou vous a éclairé pour sortir hors de la profonde nuit qui noircit toujours l'infernale vallée? A-t-on brisé les lois du gouffre ainsi? A-t-on changé au ciel le décret récent que vous venez d'amener vers ces roches-ci? Et c'est Virgile qui répond, je lui ai montré tous les 100 fois ni loi, j'entends maintenant lui montrer les esprits qui se purifient là sous ton mandat. Et puis vers Dante, mon enfant, suis mes pas, revenons en arrière, là où décline cette étendue vers son point le plus bas. On repart à zéro et Dante autour de lui regarde, il voit frémir la brise marine, dit-il. Oui, la chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres, fuir là-bas, fuir, je sens que des oiseaux seront ivres. Non, Dante, il faut monter, ascension difficile, des corniches serrées de tous côtés et le sol dessous réclamé mains et pieds. Et Virgile à Dante, cette montagne est telle que l'aborder est toujours éprouvant, plus on monte, moins rude elle se révèle. Lorsque tu te sentiras confiant au point que la gravir te soit léger comme en bateau on descend le courant, tu seras alors au bout de ce sentier. À peine eut-il fini son raisonnement qu'une voix tout près s'écria « Tu auras peut-être besoin de t'asseoir avant. » Oh, Bellaca, mais dis-moi pourquoi ici es-tu assis? Attends-tu une escorte? Il faut dire que des gens se tiennent à l'ombre d'un rocher, nonchalamment. Nous sommes au purgatoire de la paresse. Ta vieille habitude t'a-t-elle repris? Et lui, frère, montez là-haut, qu'importe. Il ne me laisserait pas expier l'ange de Dieu qui est devant la porte. Il faut d'abord que le ciel ait tourné autant que durant ma vie il l'a fait. Car à me repentir, j'ai trop tardé. À moins d'une prière pour m'aider, issue d'un cœur qui est la grâce en soi, discret appel du pied vers Dante, que vaut une autre du ciel n'en écouter ? Merci Jacques Bonnaffé, vous consacrez votre semaine au Purgatoire, deuxième volet de la Divine Comédie de Dante.